Je ne me suis pas lancée pour plaire. Aujourd'hui, c'est vous qui me dites de plus. Parfois, je parle dans le vide, juste un clavier, un fil, un peu de ratimé. Mais y'a vos voix, vos petits rires au fond, comme si l'écran devenait maison. Y'a des soirs, j'suis plus rien. Puis j'vous lis et ça fait du bien. On construit rien de concret peut-être, mais j'crois qu'on tient un monde honnête. C'est pas un show, c'est pas un rôle, c'est un feu dans le noir qu'on contrôle. Quand j'doute, vous me faites signe et j'repars dans la ligne. C'est vous qui me faites vibrer, même quand je suis à bout d'idées. On dirait rien, mais ça compte. Chaque présent, chaque compte. Je fais ça pour vous, mais je sais que je le dois à vous. Je vais pas dropper des leçons, je livre des frissons, des petits bouts d'émotion, des musiques, des raids, des fous rires et des silences qu'on remplit de souvenirs. C'est pas le nombre, c'est l'écho, pas les chiffres, mais vos mots. Et tant que je vous sens juste là, je clique pas sur stop, pas ce soir-là. Ce feu qu'on partage sans se le dire, ce lien qu'aucun écran peut trahir. Je vous le dois, jour en sans le dire, Riders Kill. C'est vous qui me faites y croire. J'ai juste besoin de vous sentir là.